attend. Oh Dieu, dans Sion, les vœux s'accomplissent devant ta face. Tu écoutes la prière sincère et toute chair s'approche de ta grâce. Les fautes nous submergent parfois, mais tu les pardonnes tous. Heureux celui que tu choisis, que tu admets dans ta demeure. Tout cela.